Donc, il y a du respect, il y a eu du respect pour l'Afrique, c'est De Gaulle. Et il lui a évité la guerre. Parce que si on était resté entre les mains des mêmes, l'Afrique noire aussi se serait révoltée, aurait pris des armes. Parce que ce n'est pas les armes qui manquaient. Il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Algérie. On était à deux doigts du Maroc après Ben Arafa, le Glaoui. Et en Afrique, ça a commencé au Cameroun avec Ruben Oumoumoudé et Mounier. De Gaulle a mis le frein à tout ça. Il a dit la communauté. Ceux qui veulent faire la communauté, Ségou Touré a dit non. Il lui a dit bon, prendre ton indépendance. Mais nous autres, nous sommes restés. Afrique Média, le monde, c'est nous.